Le 9 courant, le stade Kim Il-sung à Pyongyang a abrité les matchs du deuxième groupe des éliminatoires de la Coupe asiatique féminine de la Confédération du football asiatique 2018. L'équipe de la République populaire démocratique de Corée a battu l'Ouzbékistanaise par le score de 4 à 0, alors que les Sud-Coréennes l'ont emporté sur les Hongkongaises par 6 à 0.